Vous marquez bien un ton, deux tons, trois tons, vous balancez indécise. Fraîche rose tangant dans la brise. Vous marquez bien un ton, deux tons, trois tons, puis vous glissez comme grise. Puis vous patinez à contre-temps. À la réflexion, faites attention, ne faisons que semblant. Vous marquez bien un ton, deux tons, trois tons, vous balancez indécise. Fraîche rose tangant dans la brise. Vous marquez bien un ton, deux tons, trois tons, puis vous glissez comme grise. Puis vous patinez à contre-temps. Rien n'est aussi tentant que de faire ainsi les fous.